Le grand témoin, Louis Dauphren. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver comme chaque matin. Nous sommes le mardi 21 janvier. Bonjour Valère Starazelski. Bonjour Louis Dauphren. Merci d'être avec nous en direct, écrivain, romancier. Vous publiez L'Adieu au roi, au pluriel. Au pluriel. Eh oui, parce que ce sont les rois. Tous les rois de France, les 65 rois de France à partir de Clovis. Qui vous fascine ? Qui me fascine en tout cas, qui ont fait la France. La France est un pays qui a une personnalité extrêmement marquée. Et d'ailleurs, c'est un homme de droite, Yves Roucault, qui le rappelait dernièrement à propos du droit du sol, qui rappelait messieurs Copé et Fillon à leur devoir historique, leur rappelant que le droit du sol avait été inventé et imposé par les rois de France. Donc effectivement, les rois de France ont fait notre pays et on ne peut pas connaître notre pays sans connaître ce qu'ils ont fait. Et pourquoi le droit du sol avait-il fait par les rois de France? C'est Clovis, quand il s'est converti, s'est battu contre les mariages claniques et en fait a ouvert aux Gaulois et pour rassembler dans un esprit de rassemblement. Et déjà à l'époque. Voilà, c'est ça, contre le communautarisme. Contre le communautarisme. Oui, mais bien le sûr. Le terme n'était pas... Non, c'était, voilà, on appelait ça autrement, mais en tout cas, contre les clans. Mais il est pertinent. Pour moi, il est pertinent, oui, tout à fait, il est pertinent. Donc, il y a une vision qui était aussi contenue dans le christianisme auquel s'était converti Clovis, qui était une vision, qui est toujours une vision universelle, de mon point de vue. L'Adieu au roi, aux éditions du Cherche Midi, c'est un dialogue entre Ferdinand Gauthier, royaliste et catholique, et un avocat robespierriste, Marc-Antoine Doudoville. C'est le roman dans l'histoire. C'est en fait un roman écrit à partir de documents historiques. Le Ferdinand Gauthier, qui est organiste à la basilique Saint-Denis, avant la Révolution, assiste à l'exhumation des rois de France en direct. Il a laissé... Janvier 94. D'octobre, en fait, ça commence en août, où on démonte, on va détruire 20% des monuments et 80% vont être démontés. Ils seront d'ailleurs, entreposés aux Grands Augustins. D'ailleurs, le petit Victor Hugo verra ces monuments grandissant, c'est ce qu'il fera, qu'il écrira la Légende des siècles, etc. Et ensuite, d'octobre, l'extrême-gauche, l'aile gauche de la Convention pousse en disant il faut aller chercher fin août, il faut aller chercher les cadavres des rois, il faut aller chercher les cercueils de plomb pour en faire des boulets de canon pour défendre la République. La République française est aux abois, elle est complètement encerclée, il y a la contre-révolution, il y a des royalistes qui livrent, y compris des villes aux Anglais, les Anglais tiennent beaucoup de ports de l'Atlantique, de la Méditerranée, bref, les Prussiens ont réservé leur loge pour aller à l'opéra. Donc en fait il y a un climat comme ça de guerre à outrance, et l'aile gauche impose à la Convention d'aller déterrer tous les rois de France. Donc, il y a des documents. Le seul document qui était rendu public, c'est dans le Génie du christianisme de Chateaubriand, en note à la fin. Donc, j'ai recroisé avec les quelques documents qu'il y a pour raconter précisément comment se sont passés. On a commencé par Henri IV et on a fini par Dagobert. Mais il y a trois journées que vous racontez, il y a essentiellement. Il y a plus que ça, mais donc il y a trois journées où effectivement, là, on s'attaque au Bourbon, on va sortir Henri IV qu'on va mettre debout pendant plusieurs jours, on va sortir Louis XIV qui est intact mais noir, etc. Et je raconte ça. Donc Ferdinand Gauthier a réellement existé et il raconte ça d'un point de vue royaliste et catholique fervent. Son avocat, qui est un ami, lui est robespierriste. Mais dans un précédent roman, il n'était pas robespierriste, il était, comme Robespierre, royaliste, puisque le roi incarnait la nation. Et si Robespierre, à un moment donné, va voter la mort du roi, c'est parce qu'il dit que le roi n'incarne plus la nation, qu'il n'est plus en état d'incarner la nation et que il n'est plus bon pour ce travail-là. Et qu'il est bon de prendre sa place. Quoique Robespierre, en réponse, souvent refuse de prendre sa place. Vous savez, ils ont tous moins de 40 ans. 21 janvier aujourd'hui, le roi de France, on parlait tout à l'heure, à 5h du matin, les 5 bourreaux viennent le chercher, il sera exécuté à 10h22 exactement. Et un an plus tôt. Comment? Oui, un an plus tôt, c'est ça. Et donc d'ailleurs, la reine de France sera exécutée, elle, pendant qu'on exhumera les corps des rois. Il y a vraiment la volonté d'éradiquer la filiation royale. C'est une profanation pour vous? Mais évidemment, oui. Bien sûr, c'est une profanation. De la même manière que quand... Vous n'êtes pas royaliste, Valère Starazelski. Non, mais de la même manière que quand on a sorti les communards des charniers pour détruire leur corps, c'est une profanation. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de plus que violent. C'est une atteinte à la dignité. C'est véritablement. Donc d'ailleurs... Est-ce qu'il y a un sens politique aujourd'hui toujours pertinent? À mon avis, non. L'ADN de la République est-il dans cet acte-là ? Dans quel acte, d'ailleurs, se trouve l'ADN de la République ? L'ADN de la République, à mon avis, c'est la fête de la Fédération ou c'est janvier 94 ? Non, c'est la fête de la Fédération. C'est aussi la Déclaration des droits de l'homme. Disons que c'est dans l'ADN d'une partie du corps politique français que je considère comme extrémiste, comme gauchiste. Il se trouve que je suis communiste, mais je ne suis pas gauchiste. Je pense que l'extrême gauche n'est pas la solution. D'ailleurs, Robespierre n'était pas l'extrême gauche. Il les a combattus. Je donne l'exemple dans ce roman. Par exemple, la convention sous la pression de l'extrême gauche interdit le culte catholique dans toute la France. D'ailleurs, il y aura des destructions d'églises, etc., etc. Les bolcheviks n'ont rien inventé. Hein. D'ailleurs, ils disaient beaucoup les révolutionnaires français. Et en fait, c'est Robespierre qui seul, de manière isolée, mais pas que là-dessus, sur d'autres sujets, mais en tout cas, c'est Robespierre seul qui, dans un discours fameux, va réussir à renverser l'opinion de la Convention pour rétablir le culte catholique en France. Mais je pensais, moi, qu'il avait mis la déesse raison à Notre-Dame de Paris, mais c'est aussi cela. Bien sûr, c'est ça, c'est complexe, hein, c'est contradictoire, pas forcément antagonique pour lui. Est-ce que vous estimez que cette période est bien enseignée, Valère Starazès ? Non, justement, non, parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit une histoire française qui essaie de raconter les 25 ans avant la Révolution française, où l'on s'aperçoit que Louis XVI avait fait toutes les premières grandes réformes. Louis XVI abolit la torture, il rétablit les protestants, il demande à Malesherbes de rétablir les juifs. Donc en fait, la Révolution, de mon point de vue, est une continuation du travail entrepris, de réformes entreprises dans les dernières années de Louis XVI. Louis XVI va chuter parce que les caisses sont vides, les caisses ont servi à faire la Révolution américaine, il va rappeler les parlements, et en fait, c'est les parlements qui vont virer Louis XVI. Évidemment, après, les parlements, c'est-à-dire les privilégiés, après, des amis de Robespierre vont s'occuper des parlementaires, de ces parlementaires-là, mais ça s'est joué à peu de choses. C'est la seconde vague qui vient par-dessus la première, voilà, qui ça. Récupère. Poussée par le peuple. Mais, je le rappelle, ces jeunes gens, y compris dans la Due au Roi, enfin je rappelle ça, tous ces jeunes gens qui dirigent le comité de salut public n'ont pas 35 ans, 36 ans maximum. Robespierre mourra à 36 ans. C'est à Créteil que vous voyez le jour en 1957, Valère Starazelski, mais vous avez des origines russes, une famille anoblie, votre grand-père juif a fui les pogroms avant la Révolution. C'est pour cette raison que votre mère vous a fait baptiser. Élevé par un oncle et une tante, c'est donc dans la France du général de Gaulle que vous avez grandi, mais vous recevez aussi une éducation religieuse avec le catéchisme, éducation qui vous a beaucoup marqué, Marion Duchesne. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume de Dieu. Voilà une parole d'évangile à laquelle Valère Starazelski est particulièrement attaché, lui qui se définit comme un prolo-communiste. Pour moi, le communisme est une continuation matérialiste du christianisme. Les évangiles sont les textes politiques indépassables, une révolution permanente, répète-t-il. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Mais attention, c'est à cause de Sartre et non à cause de Marx que Valère Starazelski s'engage dès le plus jeune âge au Parti communiste. Sa référence, Louis Aragon. Être communiste ne veut pas dire être idiot, ce n'est pas l'Union soviétique, souligne-t-il. Et c'est d'ailleurs sur Aragon que Valère Starazelski réalise sa thèse de lettres en 1996 sous la direction de Jean Levaillant. Bien sûr, il a fait de la politique et aujourd'hui il pourrait être responsable au plus haut niveau. « Mais j'ai tout arrêté pour écrire », explique Valère Starazelski. « En 81, j'ai refusé d'intégrer le gouvernement pour faire ses études d'histoire et de lettres. Il a donc enchaîné les petits boulots, agent hospitalier, documentaliste, maître d'internat, attaché parlementaire au Sénat. » Quant à l'écriture, le déclic a eu lieu suite à sa rencontre avec son père à l'âge de 30 ans. Ma psychanalyste me disait souvent que la langue, c'était le père. Je me suis donc mis à écrire. Une assaise de 3 heures par jour, sans compter son travail de directeur de la culture dans un comité d'entreprise des industries électriques et gazières. Écrire, c'est pour moi faire un acte de connaissance, anticonformiste, esprit libre. Valère Starazelski dit s'inviter en permanence là où on ne l'attend pas. Et le romancier essayiste de se référer au pape François, mais aussi à Pasolini. Nous sommes en plein veau d'or, dans une consommation vulgaire, conclut Valère Starazelski. Il nous faut revenir à une dimension morale par la politique. Alors j'aimerais qu'en ce 21 janvier, Valère Starazelski, on s'attarde quelque peu sur la définition que vous avez livrée à Mario Duchesne et qu'il a retranscrite dans votre portrait. Le communisme est une continuation matérialiste du christianisme. C'est rare aujourd'hui d'entendre quelqu'un qui s'assume communiste. Bien sûr, c'est normal, puisque l'image que l'on a du communisme est une image, c'est associé au crime, au meurtre, etc. Je renvoie les auditeurs aux ouvrages de Domenico Losurdo, qui est un philosophe historien italien, qui rappelle par exemple ce que disait Hayek, ce penseur américain d'origine hongroise. Il disait, s'il n'y avait pas eu l'Union soviétique, il n'y aurait jamais eu la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Je demande simplement qu'on réfléchisse un peu à ça. Moi, je suis guéri, je suis pas pour le communisme, je suis pour du communisme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont un bien public, qui sont en commun. Le ciel, la terre, enfin le ciel jusqu'à une certaine hauteur. Jusqu'à quelle hauteur, justement? Oui. Pour que ça soit respirable, la mer. Ce Gagarine y est allé, il n'avait rien vu. Hein. Oui, oui, mais... C'est une question de foi ou non, bien évidemment. Et donc pour moi, le communisme, c'est les moyens de vivre pour chacun. Et ces moyens de vivre pour chacun, c'est-à-dire la dignité. L'être humain n'est pas un moyen, c'est une fin, c'est un humanisme. Donc évidemment, les historiens feront le travail sur ce qu'a été le communisme au XXe siècle. Ça n'a pas été que des crimes. Et en tout cas, il reste du communisme un peu dans notre pays, la sécurité sociale, les services publics. Évidemment, je pense que dans la société dans laquelle on est, d'ailleurs De Gaulle disait les possédants sont possédés parce qu'ils possèdent, on est totalement là-dedans aujourd'hui, on est dans une société consumériste, permissive, et comme le disait Pasolini, la permissivité c'est la vulgarité, on est dans le tout à l'ego. On est dans la non-reconnaissance de l'autre. Et évidemment, il y a... D'ailleurs, j'invite vos auditeurs à aussi lire non seulement Domenico Losurdo, qui a écrit une contre-histoire du libéralisme, hein, qui explique que le libéralisme, c'est aussi l'esclavage. Les premiers présidents des États-Unis étaient tous propriétaires d'esclaves. Donc, il faut, revoir l'histoire dans sa complexité. Et je pense qu'en tout cas, pour revenir au communisme, qu'au XXe siècle, ça a été... Il y a eu un apport. D'ailleurs, c'est pour ça que les nazis, qui disaient que les chrétiens étaient les bolcheviks de l'Antiquité, que les nazis combattaient aussi fortement les bolcheviks et les communistes, parce que le communisme a apporté le fait qu'un noir égale un blanc, qu'un blanc égale un noir. C'était le combat anticolonialisme et la reconnaissance que la race blanche n'est pas une race supérieure. Ça a été apporté par le communisme au XXe siècle. Je pourrais m'étendre sur d'autres choses, mais en tout cas, ça, pour moi, c'est fondamental. Comment expliquez-vous qu'il y ait eu un écart si important entre le rêve ou l'utopie communiste et sa transcription dans les faits, dans la réalité politique? Vous avez cité l'Union soviétique, mais tous ceux qui se sont référés au communisme, d'abord généralement procédés par des coups d'État, par la violence. Comment une idée, parce que c'est une idée qui est encore aujourd'hui est très ancrée chez nos contemporains, comment une idée bonne, une utopie bonne, a-t-elle pu dégénérer à ce point? Écoutez, on pourrait se poser la question pour Torquemada de l'Inquisition. Je pense que c'est une lutte permanente. Je crois qu'il y a un épiphénomène, Torquemada, système à échelle planétaire. Oui, mais je pense qu'il peut y avoir, il y a eu un premier christianisme, il y en a eu un deuxième, je pense qu'il y a eu un premier communisme, et sous cette forme-là, d'ailleurs, que les communistes récusent comme étant du communisme, et je pense qu'il y en aura un deuxième, parce qu'on est dans une telle situation, on est dans une telle aporie, dans une telle impasse aujourd'hui, on voit bien qu'on s'en va vers la destruction, l'enjeu, c'est bien la barbarie, qui s'installe peu à peu. Je le disais tout à l'heure, les petites incivilités annoncent les grands crimes. Et Aragon disait, lui, dans La Mise à mort, pourquoi toujours imaginer le pire, point d'interrogation de la ligne, parce que c'est ressemblant. Donc, évidemment, la catastrophe peut arriver. Je crois que l'enjeu, c'est démocratie ou barbarie. Donc, je crois que si le communisme a échoué sous cette première forme-là, c'est parce que il y manquait la démocratie. Et je pense que le communisme doit être la démocratie poussée jusqu'au bout. En tout cas, on ne peut pas faire l'économie de la politique pour régler les problèmes d'existence commune entre les êtres humains. C'est pas possible. Le lien que vous faites, Valère Starazelski, entre révolution permanente et christianisme? Alors, c'est un article que j'ai écrit dans Témoignages chrétiens. On m'avait demandé pourquoi lire les évangiles. Et en fin de compte, ce que je disais, ce qui m'a frappé dans le christianisme, c'est que Luc dit... en reprenant les paroles du Christ, c'est un feu que je suis venu apporter sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Et qu'est-ce que c'est que ce feu? Bah, ce feu, d'ailleurs, l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Eh bien, je pense que le feu qu'apporte le Christ sur la terre par les évangiles, eh bien, c'est qu'il fait de l'amour une loi. C'est-à-dire qu'il impose, qu'il impose cette idée qui va à rebours de ce qu'est la nature humaine. C'est-à-dire, même à ses ennemis, il faut pardonner. Et donc, cette religion de l'amour, c'est-à-dire de la reconnaissance de l'autre, est quelque chose qui est complètement révolutionnaire. Et tout au long de sa vie... Mais la révolution suppose la violence. Pas du tout. Jaurès disait qu'il faut une évolution. Alors jusqu'ici, on en est resté. Soit on fait un tour sur soi-même, soit c'est violent. Ça l'a été. Ah, les profanations de janvier 94. Oui, la Révolution française, autre révolution, mais il peut y avoir ce que Jaurès appelait des évolutions en profondeur, des successions de réformes qui opèrent une révolution, c'est-à-dire un bond qualitatif. C'est vrai qu'il y a diverses formes. D'abord, il y a des révolutions conservatrices, il y a des révolutions dans le printemps arabe. Mis à part la Tunisie aujourd'hui, tous les autres, il y a une mauvaise suite à la révolution. Pour l'instant, c'est une guerre géopolitique entre les chiites et les sunnites aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça a servi à rien, je veux dire, pour la dignité, etc. C'est le début d'un début. Donc il y a plusieurs facettes de la révolution. Mais à mon avis, il y a plusieurs formes de révolution, bien sûr. Et en fin de compte, quand je dis que le christianisme est une révolution permanente, évidemment, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Et en plus, il y ajoute une dimension sociale qui est celle-ci. Alors moi, qui étais longtemps garçon de restaurant, je ne peux pas lire ça sans que ça me fasse un effet immédiat. Lequel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or moi je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert. Donc évidemment le christianisme ça a été une révolution dans la mesure où on a condamné l'esclavage, où on a condamné un impérialisme et où on a placé l'être humain à un niveau supérieur. On a inversé la logique humaine barbare première. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc ça, je l'ai écrit un petit peu plus loin en parlant d'un bouquin de Zizek sur l'héritage. Zizek dit dans un bouquin qui s'appelle « Pourquoi l'héritage chrétien vaut-il d'être défendu ?» Je pense qu'effectivement, je dis à mes camarades communistes, n'incite-t-il pas les progressistes et communistes à considérer le christianisme autrement que comme une vieillerie à odeur d'encens, mais comme un trésor configurateur d'émancipation humaine. Je pense qu'effectivement, le christianisme, les évangiles sont loin d'être épuisés. Et c'est pour ça que je pense que c'est pour l'instant, comme le disait du marxisme un autre, les évangiles sont un horizon indépassable. Valère Starazeski, que pensez-vous du fait que Karl Marx avait été amené à renier ses origines juives et avait en quelque sorte, peut-être c'est une interprétation, mis dans le prolétariat, enfin fait un calque sur le prolétariat du messianisme juif. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, je pense que j'ai pas tout à fait répondu complètement à votre question tout à l'heure, mais le communisme, ce qu'il a planté, c'est le messianisme. C'est-à-dire que ça en a fait un totalitarisme. Donc c'est le fait qu'il a été parrainé par des juifs. C'est ce que disaient... Les juifs ont le messianisme dans le sang. Non, mais c'est ce que disaient les nazis. D'ailleurs, celui qui a formé Thorez, les grands intellectuels communistes, étaient effectivement des intellectuels juifs. Et donc, c'est pas qu'on était parias, qui n'étaient pas invités. Donc, en fin de compte, d'ailleurs, Marx disait que la religion, c'est le soupir de la créature accablée. Le soupir de la créature accablée, c'est la religion. Dassault aussi s'est converti. Dassault qui, on lui demandait pourquoi est-ce qu'il versait de l'argent et pourquoi encore la famille Dassault verse de l'argent au Parti communiste dans son journal Humanité. Parce que des communistes étaient là quand il était prêt de mourir dans les camps de concentration, ils l'ont sauvé. C'est Marcel Paul qui a dit ce type-là, faut le sauver, etc. Bien. Donc, il y a une véritable fraternité. Je crois que Marx, d'abord, voyait le début du communisme dans un pays hautement développé. Ça s'est passé dans des conditions en Russie. L'Angleterre, il pensait d'abord. Ouais, il pensait à l'Angleterre. Bah, la Russie, oui, il continue. Les Russes sont les Russes. Donc je dis pas ça pour ça veut dire qu'il y a des identités qui sont plus fortes que les idéologies. bien sûr, c'est pour ça que c'est je... Pas si, c'est pas si, si, si, si, c'est très important ce que vous dites, parce que l'idéologie, moi je donne la définition d'Althusser, c'est la représentation du rapport imaginaire que les gens ont à leur condition d'existence. Donc il y a toujours l'idéologie. On peut dire que aujourd'hui c'est l'idéologie du fric, de l'argent, c'est le veau d'or. Bien. On voit ce que ça donne, c'est la brutalité la plus épaisse, enfin bien. Le recul de la culture... L'ego, la vulgarité. Oui, et puis même le travail. Par exemple, l'art, c'est le marché qui décide de l'art. Moi je suis pas contre le marché, mais il faut remettre le marché à sa place. Mmh. Quand Jésus entre le marché, c'est la fin du travail, hein, si on veut suivre. Non, mais enfin, moi, le travail, au sens non, mais aujourd'hui, Jésus rentre dans le temple et il vire les marchands à coups de batte de baseball pour mettre l'idéologie chrétienne au centre. Il a raison. Aujourd'hui, les marchands sont pas dans le temple, les marchands ont leur temple. Donc, c'est un petit peu plus complexe, on est dans une autre situation. Simplement, entre idéologie et marché, moi, mon choix est fait, je suis pour l'idéologie. Évidemment, quand l'idéologie devient dogme, qu'elle empêche l'émancipation, et qu'elle empêche, qu'elle se chosifie, qu'elle se durcit, et qu'elle empêche l'émancipation humaine, évidemment, faut retravailler. C'est pourquoi la définition que donne Marx du communisme, qui est le mouvement réel de la vie, c'est ce que disait Aragon dit différemment. Il dit, honte à qui trouve sa limite, à qui sa limite suffit. Que toute démarche de mon esprit soit un pas et non une trace. Il faut que le mouvement ne s'arrête pas. Il faut que le mouvement continue. Eh bien, les soviétiques avaient décidé une bonne fois pour toutes que c'était terminé. Ben non, c'est jamais terminé. Et le mouvement qui continue, c'est typiquement chrétien. L'idée de pèlerinage, d'ailleurs, sur Terre. Oui, mais si vous voulez, mais c'est aussi une idée typiquement communiste. Voilà. Valère Starazeski, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, d'ailleurs en lien avec l'actualité, qu'il s'agisse des bonnets rouges, du jour de colère ou des questions éthiques qui marque aujourd'hui l'actualité. On va se revoir juste après 8h, après les infos de Flora Cortès. Je rappelle l'adieu au roi, Paris, janvier 1794, puisqu'on est parti finalement assez loin de l'histoire, là. Oui. On est sur une histoire qui est très contemporaine. Oui, mais c'est lié tout ça. Voilà, c'est lié. On est en France, hein. C'est un pays très idéologique, très politique. Il y a un raccourci. Qu'est-ce que vous faites, si je puis dire? Est-ce que pour vous, le 19e, toutes les luttes du 19e, le mot lutte d'ailleurs est très connoté, est-ce que vous faites l'impasse dessus? Vous dites, entre l'époque contemporaine, est-ce que tout est inscrit? Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui est déjà inscrit dans l'ère révolutionnaire? Non. Mais quand même, le logiciel, comme on dit aujourd'hui, l'est. L'est parce que la Révolution française... La programmation, c'est la 94. Révolution française, c'est pas la Révolution américaine. La Révolution française, je veux dire, par rapport à l'esclavage, par rapport aux êtres humains, c'est quelque chose qui est profondément différent. D'ailleurs, si on avait suivi Robespierre, il aurait imposé plutôt une république à l'américaine. Valère Starazeski avec nous jusqu'à 8h30. On se retrouve après 8h. L'adieu au roi aux éditions du Cherche Midi. Le monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. 8h30, 18h. Le journal de Radio Vatican. En Israël, le mur de séparation fait toujours débat. 19h. Le magazine. Ce mercredi, le pape a limité sa catéchèse en revenant sur le credo. Minuit 30. L'actualité de l'Afrique. Rendez-vous avec l'Afrique. L'actualité de toute l'Église. C'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. Besoin d'évasion? De découvrir de nouveaux horizons? Le petit futé mag? Une mine d'idées et de bons plans pour bien préparer et réussir ses week-ends et ses vacances. Les adresses utiles? Des destinations insolites pour 4,90€ seulement. Retrouvez le petit futé chez votre libraire, sur internet et maintenant sur votre mobile. Vous voulez vendre une maison ou un appartement, mais vous exigez plus qu'un service d'agence immobilière? Pensez à consulter La Foncière Carnot. La Foncière Carnot vous permet de valoriser votre bien immobilier aux meilleures conditions. La Foncière Carnot, c'est un accompagnement total durant toutes les étapes d'une vente immobilière. Pour un accueil personnalisé, composé dès maintenant, le 01 47 74 60 14, 01 47 74 60 14. La minute spirituelle du Père Alain Caron de la Carrière. Il est bon de lire l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 7. Vous connaissez ce passage, moi Jean, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Et c'est bon d'en parler pendant la semaine de l'unité. Et il y a ce passage de tous ceux qui sont là avec le Seigneur. D'où viennent-ils? Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le trône habitera parmi eux. Celui qui siège sur le trône habitera parmi eux. Ce sont les saints, c'est notre avenir à nous, après le passage par la mort, et nous entrons dans la communion avec le Christ, avec la Trinité. Celui qui siège sur le trône habitera parmi eux, parmi nous. Merci frère Alain Caron de la Carrière. Avant les informations, jette un œil du côté du ciel. Aujourd'hui, la grisaille dominera, mais le temps restera calme. Le retour de la pluie est prévu en fin de nuit prochaine. Les températures, elles se sont rafraîchies, seulement 2 degrés ce matin. Pour le reste de la journée, pas plus de 6 degrés. En notre compagnie ce matin, Valère Starzelski, romancier, écrivain, l'a dit au roi aux éditions du Cherche Midi, janvier 94. En ce 21 janvier, date symbolique, janvier 94, la profanation du tombeau des rois à Saint-Denis, et puis la commentaire de l'actualité avec Valère Starzelski, 8h, Flora Cortès. Bonjour à tous. Le Parlement centrafricain a élu hier à la présidence de transition une femme, une première dans l'histoire de la Centrafrique. Catherine Samba Panza était maire de la capitale Bangui depuis l'arrivée au pouvoir de la rébellion en 2013. Hier, dès son élection, elle a lancé un appel vibrant à déposer les armes et a reçu un soutien international appuyé. L'Europe a également promis un renforcement des militaires en Centrafrique et a promis enfin 500 millions de dollars pour cette année. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exclu hier l'Iran de la conférence de paix pour la Syrie prévue à partir de demain en Suisse. Une exclusion moins de 24 heures après l'avoir invité. Un revirement spectaculaire qui sauve pour l'instant cette conférence dite de Genève 2. L'opposition syrienne avait en effet menacé hier de boycotter la conférence si l'Iran, allié de Bachar al-Assad, était présent à la table des négociations. En France, François Hollande lance officiellement son pacte de responsabilité. Ce mardi, il va profiter de la cérémonie des vœux aux forces vives pour le dévoiler un peu plus. Il devrait notamment détailler les contreparties que devront donner les entreprises contre une baisse des charges et un allègement des contraintes. Et c'est bien sur ce sujet des contreparties que tout le monde attend, le chef de l'État, les syndicats de salariés, le patronat, mais aussi sa propre majorité. Les patrons ne devraient pas être obligés de créer des emplois. A priori, il n'y aura pas de texte coercitif. Le nombre de morts sur les routes a reculé de 11% en 2013, un nouveau record. Les chiffres ont atteint leur plus bas niveau historique depuis 1948, année des premières statistiques. Le nombre de personnes tuées s'est élevé à 3250 en 2013, soit 403 vies épargnées par rapport à 2012. Pour autant, ce bilan ne peut être satisfaisant, a estimé Manuel Valls, rappelant que 9 personnes meurent tous les jours sur la route. Il appelle à progresser encore et à réaffirmer son objectif. Passer sous la barre des 2000 morts d'ici 2020. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a lui assuré hier sa solidarité auprès des habitants sinistrés du Var. Il leur a promis un immense effort pour reconstruire après les trombes d'eau qui se sont abattues ce week-end et qui ont été fatales à 2 hommes. Un arrêté de catastrophe naturelle devrait être pris prochainement. Il faut préparer l'avenir, préparer les conditions d'une indemnisation beaucoup plus rapide, notamment pour une remise en marche des activités économiques et indemniser les entreprises et les particuliers, a-t-il dit. Enfin, les élèves de terminale peuvent saisir leurs vœux d'inscription dans l'enseignement supérieur depuis hier sur le portail APB, admission post-bac. Le site comporte plusieurs modifications cette année. Les futurs étudiants pourront toujours formuler jusqu'à 36 vœux, mais ne seront plus confrontés aux 1800 intitulés de licence générale. Les lycéens peuvent saisir leur choix sur le portail jusqu'au 20 mars et les modifier, en modifiant en tout cas la hiérarchie jusqu'au 10 juin. Radio Notre-Dame. Merci Flora Cortès. Révolution permanente, révolution du christianisme, quel avenir pour la révolution? Le passé ou l'avenir d'une illusion? On en parle avec Valère Starzelski, l'a dit au roi, Paris, janvier 1794, l'un de ses ouvrages. Il est romancier et écrivain, on le retrouve juste après l'édito de Gérard Leclerc, qui nous parle de la différence féminine qui ne saurait servir la promotion de la femme. Gérard Leclerc. Naja Vallaud-Belkacem a défendu hier après-midi son projet de loi sur l'égalité homme-femme, auquel on sait qu'elle est particulièrement attachée dans son engagement féministe. Dans le contexte idéologique actuel, il est inévitable de s'interroger sur la philosophie d'un tel projet. On peut être féministe de diverses façons. Celle de Simone de Beauvoir, auteur d'un livre de référence sur le deuxième sexe, n'est pas unanimement partagée, même chez les militantes les plus virulentes. à lire ce livre manifeste, il est patent que son auteur n'a qu'une idée en tête, mettre la femme sur le même pied que l'homme, celui-ci étant l'unique référence possible, parce que censé détenir tous les pouvoirs. L'accès du deuxième sexe à l'emploi apparaît comme le moyen privilégié, sinon unique, d'obtenir l'égalité souhaitée. Le défaut du livre, c'est l'absence totale de symbolique féminine, dont la notion est d'ailleurs ridiculisée ou réduite à une sorte de pathologie névrotique. En opposition totale à Simone de Beauvoir, une branche importante du féminisme américain a défendu cette symbolique féminine non sans un exclusivisme qui aboutit à justifier une véritable guerre des sexes. Les idées afférentes à la théorie du gender vont plutôt dans le sens du déni de la différence féminine, telle du moins qu'elle se manifeste dans la chair et dans la gloire de la chair. Naja Vallaud-Belkacem n'a cessé de lutter en faveur de l'indifférenciation sexuelle qui trouve dans l'école le dispositif essentiel de sa réalisation. C'est bien pourquoi sa loi ne saurait susciter un consensus profond. Et non seulement à cause de la banalisation de l'avortement qu'elle promeut, on peut être profondément enclin à susciter la promotion de la femme, mais dans l'affirmation de la différence indispensable à l'équilibre social et à l'épanouissement des enfants. Des pionnières comme Madeleine Danielou en France et Edith Stein en Allemagne pourraient heureusement nous indiquer une voie alternative en faveur d'une métamorphose de l'éternel féminin. Merci Gérard Leclerc. La suite du Grand Témoin avec vous, Louis Dauphren. Valère Starazelski, écrivain romancier, adieu au roi aux éditions du Cherche-Midi. Gérard Leclerc, la question de la femme au regard des questions sociétales, des enjeux liés justement aux initiatives du gouvernement. Qu'en pensez-vous précisément, Valère Starazelski, de cette question de l'égalité homme-femme? Écoutez, je pense que c'est une réelle question, mais comment dire, on ne peut pas tout régler. Je pense que le curseur social, économique, est peut-être le meilleur curseur à utiliser pour avancer sur ce travail d'égalité homme-femme. Alors, moi j'ai une question un petit peu plus, j'allais dire, si on peut descendre dans le sujet. Vous nous avez dit, avant 8 heures, qu'il y avait un lien entre révolution chrétienne et révolution permanente, émancipation du christianisme, ce feu de l'évangile qui a été apporté au monde et qui ne doit pas nous laisser insensibles, et que nous vivions dans le monde de la vulgarité néolibérale, le culte de l'argent et du vaudor. Oui. Hein, c'est ça. Alors, est-ce que vous n'avez pas une révolution de retard, en quelque sorte, Valère Starazelski, dans le sens où aujourd'hui, on a l'impression que ce qui fait la révolution, c'est le monde de l'argent, c'est le monde libéral qui fait la révolution. Ce n'est pas le monde communiste. Hein. Mais le monde communiste est réactionnaire quasiment aujourd'hui. Alors, il est réactionnaire dans le sens où il réagit. Mais je suis pas loin d'être d'accord avec vous. C'est ce que dit Dany Robert Dufour dans L'individu qui vient après le libéralisme. Il dit « Nous ne vivons pas dans une société d'individualisme. Nous vivons dans une société d'égoïsme. » D'égoïsme, mais il s'appuie sur Adam Smith. Et il dit « Nous sommes sortis du patriarcat. » Il dit « Tant mieux, parce que les rapports hommes-femmes, les rapports intergénérationnels sont meilleurs. Mais nous en sommes sortis n'importe comment. Nous en sommes sortis par le marché. » Et ce qu'il dit de la gauche radicale, et notamment des communistes, il dit que, en fait, ils sont siphonnés par le marché, parce qu'en fait, ils courent derrière le marché, idéologiquement, et qu'ils ont toujours un temps de retard. Et que le marché a toujours un temps d'avance, en tout cas. Donc, je pense effectivement que si les communistes ne sont pas réactionnaires, d'abord, les communistes ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Moi, je considère que le front de gauche n'est pas forcément une bonne idée pour... je trouve que c'est un peu une auberge espagnole, etc. Enfin bon, j'ai mon point de vue là-dessus. Je pense qu'effectivement, les communistes sont en retard. Que les progressistes de gauche sont en retard. Que ceux qui, comme Dany Robert Dufour, s'attachent à ces questions de la dignité humaine, de y compris de positionnement, sont à contre-courant. Moi-même, je me considère à contre-courant. Donc, évidemment, il y a du retard. Pour l'instant, ceux qui ont la main, idéologiquement, depuis les années 70, quand ils ont lancé la contre-offensive idéologique avec la trilatérale, c'est la droite. Et après, la trilatérale, c'est la droite. La trilatérale, on peut dire que c'est quand même les droites, avec Thatcher, etc. Thatcher disait, il n'y a pas de société, il y a des individus. Disons que c'est même au-delà de la droite. Alors, ça couvre pas toute la droite, mais en tout cas, l'ultralibéralisme qui est au-delà du libéralisme. Mais la droite, pour vous, qu'est-ce que ça, c'est l'argent? Non, pas uniquement, parce que je considère que ce qui fait la force de la France, c'est les tensions entre différentes idéologies. Et comme dit Pasolini, La vérité n'est pas dans un rêve, mais dans plusieurs. Donc à partir du moment où il y a un rêve qui l'emporte, ça tourne au cauchemar. Donc il faut une tension, il faut de la démocratie. Donc il y a une partie de la droite, effectivement, qui n'est pas dans l'argent, comme il y a une partie de la gauche qui est complètement dans le fric, ça c'est clair. Donc à gauche, oui, nous sommes en retard. À gauche, oui, nous devons travailler pour rattraper ce retard. Mais tant qu'on sera dans le sillage du marché, enfin du marché tout puissant, eh bien les ouvriers, les couches populaires continueront à voter à l'extrême droite, et de plus en plus. Donc d'ailleurs, je crois que le rôle du Parti communiste jusqu'à il y a à peu près 20 ans a été que les couches populaires, que les plus pauvres, que ceux qui souffrent d'ostracisme aujourd'hui, il n'y a pas un seul ouvrier aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas un. À l'époque de Georges Marchais, lui-même était ouvrier. Donc le Parti communiste a permis aux couches populaires de participer à la démocratie, de faire vivre la démocratie. Le pays n'a jamais été aussi puissant que quand toutes ces... Là, c'est pas une brebis qui est égarée. C'est carrément... L'alliance avec le gaullisme. Hein, évidemment, c'est les gaullistes et communistes qui ont fait la France. Et d'ailleurs, 68, ça sonne le glas, et c'est évidemment les libéraux libertaires qui remportent, pour aller vite... Les gauchistes. Les gauchistes, oui. Puis avec mais après, 68 a aussi amené des choses intéressantes, etc. C'est pas, je suis pas pour retourner en arrière, on ne retourne jamais en arrière. Mais évidemment, on a beaucoup de travail à faire. Et le premier travail que les communistes et en tout cas la gauche radicale ou mes camarades socialistes aussi à faire, c'est une connaissance historique. C'est pourquoi, par exemple, moi, je considère, comme Pierre Manant, qui lui est un grand intellectuel du libéralisme et qui n'est pas de gauche, il estime, il a voté contre Maastricht, il estime que l'abaissement de la nation, c'est l'abaissement de la démocratie. Je dis pas que la nation doit revenir à ce qu'elle était, simplement la nation est loin d'être épuisée. D'où ce travail que je fais sur l'histoire pour restituer la vérité. D'ailleurs, dans l'adieu au roi, c'est d'abord contre la malversation historique sur l'exhumation des rois. Je commence par raconter ce qui s'est réellement passé. Je mets devant les yeux de tout le monde ce qui s'est réellement passé du point de vue de l'exhumation et du point de vue du discours de Robespierre. Et si vous me laissez encore je voudrais juste vous lire un pour que vos auditeurs comprennent sur Robespierre, parce qu'ils comprennent, on a sorti un espèce de portrait de Robespierre. On peut pas avoir fait un portrait de Robespierre après sa mort, puisque de toute façon, autant les rois de France ont encore un tombeau, autant Robespierre n'a pas de tombeau, lui, puisque Chauvive, etc. Louis XVI n'a pas de tombeau, Louis XVI. Ils ont récupéré ce qui restait de lui pour le mettre, s'il a à Basique-Saint-Denis. Ils l'ont ramené à Basique-Saint-Denis, parce que Louis XVIII, en 1815, va ramasser ce qui reste dans les deux fosses. Dans les deux fosses, ils vont les ramener. Donc, ils ont un tombeau, tout de même, qui est cette magnifique basilique. Et d'ailleurs, que j'engage vos éditeurs à aller voir s'ils ne la connaissent pas. Les hommes d'État ne doivent pas être jugés d'après les règles ordinaires de morale. En 1793 et 1794, il s'agissait de sauver le corps social, et s'il était prouvé que le chef des Jacobins n'eût fait dresser les échafaudages de la terreur que pour abattre les factions et rétablir ensuite ce gouvernement royal que la France entière désirait, il serait injuste de regarder Maximilien Robespierre comme un homme cruel et de l'appeler tyran. Il faudrait au contraire voir en lui, comme dans Sylla, une forte tête, un grand homme d'État. Richelieu aurait fait plus que Robespierre s'il se fût trouvé dans une position semblable. Cette personne qui prononce ces paroles, ce fervent robespierriste, est le frère de Louis XVI, c'est Louis XVIII qui prononce ces paroles. Donc l'histoire, il faut la connaître complètement. Le quai Robespierre qui a été débaptisé, vous avez vu ça, à Saint-Pétersbourg. Bien sûr. Pour être appelé quai de la résurrection. Mais c'est en Russie. C'est en Russie. France, il n'y a toujours pas à Paris de rue, ni d'avenue Robespierre, ni de statue, etc. En banlieue, non, quand même. En banlieue, oui. Parce qu'il y a eu des mairies communistes. Bah oui. Mais à Paris même. Et en banlieue, on a encore Marcel Cachin. Oui, bien sûr. Ça reste. Mais bon, l'histoire n'est pas finie. Oui. Donc. Alors, Valère Sarzeski, je reviens à mes questions de mœurs, pardonnez-moi peut-être d'insister un peu, mais parce qu'on est en plein débat sur les questions d'avortement, mariage homosexuel, fin de vie, on a l'impression que tout cela, justement, s'attaque au socle de l'humain, à la dignité, au socle, en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens sont mobilisés sur ces questions-là. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, l'IVG, l'euthanasie, c'est une forme d'émancipation, et finalement, ça coïncide quand même assez bien avec la logique du marché, la marchandisation du corps aussi, pour les mères porteuses. On a pu inviter sur cette antenne Sylviane Agacinski, qui a pu en parler dans Corps en miettes. Est-ce que vous dites, ça correspond, est-ce qu'il faut s'insurger contre cela au nom de la dignité humaine? Ou est-ce qu'il faut accompagner ce mouvement au nom de l'émancipation communiste? Il faut, Il faut ne pas perdre de vue la dignité humaine. Donc je pense que là il y a un grand écart énorme. Non, mais je pense que c'est une question de réglage. Évidemment, l'IVG c'est pas la contraception. On est bien d'accord. Évidemment, il y a la notion de détresse. qui doit normalement disparaître là. Évidemment, ça doit disparaître. Non, ça doit. C'est ce qui est prévu. Oui, tu dois dans le sens ça va arriver. Je dis pas que ça va disparaître moi. C'est ce qui. Alors évidemment, soit c'est dicté par l'idéologie du marché. Et évidemment, vous avez raison. C'est une marchandisation des corps. Soit c'est dicté par un appel à plus de dignité. Une femme violée qui veut être avortée, je peux comprendre complètement. Quelqu'un qui est en fin de vie, alors que j'étais franchement contre avant, en fin de vie parce qu'il se trouve qu'autour de moi j'ai des gens malades et qui sont extrêmement souffrants, je peux comprendre aussi qu'à un moment donné on puisse choisir. Simplement, on ne fait pas, c'est pas le monoprix quoi. Voilà. Donc je crois qu'il y a un comité d'éthique. Il faut certainement avancer dans le règlement de ces problèmes. Alors, je suis pas dans la langue de bois. Je comprends encore une fois qu'on puisse s'insurger, et tant mieux. Je veux dire, ça veut dire qu'effectivement il y a une défense de la dignité humaine. Mais dans certains cas, l'euthanasie, le choix peut être. Alors, je dis, et là encore, je prends le sujet le plus difficile pour moi parce que c'est vraiment ce qui me fait le plus mal. Je pourrais le comprendre. Je pourrais le comprendre. Donc, faut pas cliver. C'est pas ou le marché ou la dignité humaine. Il y a un autre chemin, me semble-t-il. Mais évidemment, là où vous avez raison, c'est que bien des gens refusent la frustration. Aujourd'hui, d'ailleurs, les jeunes. La frustration, c'est quelque chose de tout à fait humain. On ne peut pas être un être humain si on n'accepte pas la frustration. Or, le marché, la société consumériste, crée des êtres humains qui n'acceptent pas la frustration. Mais donc, on est vraiment mal barré. Mais ça, c'est un moteur révolutionnaire terrible, d'une certaine façon. Mais bien sûr. Et c'est la reconnaissance. Je veux toujours plus. Révolutionnaire, non. À mon avis, on court vers la catastrophe, c'est-à-dire, kata en grec, on descend. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on explose en vol, parce que je veux dire, plus rien ne suit. Puisque de toute façon, il y a l'ostracisme qui est pratiqué. Axel Kahn, j'avais une signature, il disait, oui, tu fais un tour de France et tout. À quel point il y a deux France qui se croisent sans se connaître? Je dis, monsieur Axel Kahn, vous prenez pas le train le matin? Vous prenez pas le métro? Vous prenez pas le bus, vous vous rendez pas compte que ça fait des années que ça dure. Donc, je veux dire, tout ça est lié. Tout, à mon avis, je botte pas en touche. C'est profondément lié. Il y a une méconnaissance de l'autre. D'ailleurs, c'est ce que dit Rosan Vallon, etc. Il y a une méconnaissance de l'autre. Donc, moi, je pense que sur ces questions-là, qui sont des questions extrêmement importantes, il ne faut pas cliver. Après, je respecte profondément les opinions des gens qui considèrent que c'est une atteinte à la dignité. Mais ce que je voulais dire, Valère Starzewski, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas libéral, vous n'êtes donc pas libertaire. Ah non, c'est pas possible. C'est-à-dire, vous voyez? Oui, mais bien sûr, mais comment dire? Toutes les évolutions en termes de mœurs, vous êtes obligé de les réprouver d'une certaine façon, au nom d'une certaine rigueur et une conception de l'homme. Pas toutes, mais certaines qui sont considérées comme des évolutions révolutionnaires n'en sont pas. N'en sont pas. Je veux dire, c'est pour ça que je parle de concernant le christianisme de révolution permanente, et j'aimerais bien que le communisme le devienne. C'est parce que il y a non seulement la méconnaissance de l'autre, mais il y a la négation de l'autre. Il y a la négation de lois. Enfin, Michelet dit la révolution, c'est le retour du droit, de la loi et de la justice pour la révolution française. Donc, il y a la loi. Et dans la loi, évidemment, on fait pas n'importe quoi. Avec ce qui relève de l'être humain. Donc pour ces questions de l'IVG, de l'euthanasie, de toutes ces questions-là, évidemment, moi je pense qu'il y a quelque chose qui doit relever d'un comité d'éthique, qui doit relever d'un réglage. Mais encore une fois, c'est pas facile. Quoi. C'est pas facile parce qu'effectivement le marché nous pousse à considérer les corps, les êtres humains comme des choses. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Le roi, la figure du roi, il n'y avait pas de droite, il n'y avait pas de gauche. Non, c'est vraiment la révolution française. On a du mal à imaginer un monde sans droite ni gauche aujourd'hui, malgré tout. Oui, bien sûr, parce que il y a eu... Vous êtes nostalgique de ce... Enfin, nostalgique, c'est peut-être pas un mot qui convient à une personne qui s'assume révolutionnaire, mais puisqu'il y a un mouvement permanent. Comment imaginer la psychologie, puisque vous avez écrit sur la période qui a précédé la révolution, sur cette naissance d'ailleurs des deux, du clivage droite-gauche, selon que l'on se place à la droite du roi et à la gauche du roi. Vous savez, on parlait tout à l'heure de homme-femme. être un homme et être une femme, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, on tend aussi à l'indifférenciation. Ouais, c'est ça. Voilà, à indifférencier les. C'est pas du tout la même chose. Un couple homme-femme et un couple homme-homme ou femme-femme, c'est pas du tout la même chose, y compris dans les rapports. Comme disait l'autre, les hommes et les femmes sont pas la même espèce. Enfin, je provoque, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a des tensions qui se créent. Et c'est dans ces tensions que se crée la vie et la liberté. Donc, gauche-droite, je sais pas, mais en tout cas, je le répète, la vérité n'est pas dans un rêve, mais dans plusieurs, disait Pasolini. Il faut que les personnalités, y compris politiques, puissent s'exprimer. Moi, je suis communiste parce que je veux bien... Mais exprimer une différence réelle. Une différence réelle. Je suis devenu communiste parce que j'appartiens aux classes d'en bas. Pour vous donner une image rapide, ma première douche, j'ai 23 ans. Donc à l'époque, c'était courant, etc. Mais donc depuis l'âge de 15 ans, je travaille, pendant que les petits copains allaient au sport d'hiver, etc. etc. Mais les couches populaires auxquelles j'appartenais, les couches ouvrières auxquelles j'appartenais, avaient droit de cité. Aujourd'hui, comme le dit Rosan Vallon, au-dessus d'Orléans, il y a Saran, il y a 15 000 personnes qui travaillent, on les voit pas, ils sont invisibles. Ils sont invisibles, on passe devant, ils sont totalement invisibles. Donc, les couches moyennes supérieures ont pris le pouvoir, et elles pratiquent l'entre-soi comme jamais on a pratiqué l'entre-soi. Donc, ce qui me plaît en tout cas, alors quand je disais ça à mes camarades communistes il y a quelques temps, mais maintenant ils m'écoutent un peu plus, je disais, par exemple, les catholiques, sur le handicap, excusez-moi, j'ai jamais vu des gens aussi ouverts qu'eux sur par rapport aux personnes handicapées. Il y a, d'ailleurs, j'ai pas besoin de dire beaucoup, parce que je vous disais ça tout à l'heure hors micro, une section du Parti communiste d'une ville, de la ville-préfecture des Hauts-de-Seine. Congrès du Parti communiste, dernièrement, de la section. Le jeune communiste veut mettre une phrase dans le document contre les religions, etc., etc. Le secrétaire de section du parti intervient, arrive à le convaincre. Mais il se trouve que ce secrétaire de section du Parti communiste de Nanterre est croyant. À quelle époque ? Là, il y a 6 mois. Ah, il y a 6 mois. Pierre Dharréville, qui a à peine 40 ans. Qui est celui qui a écrit le texte Rallumons les étoiles, enfin qui a commencé, Pierre Dharréville, qui était un des plus hauts dirigeants du Parti communiste français aujourd'hui, est croyant. Michel Lebouc, avec qui je travaille, à la CGT, qui est un maire adjoint communiste, est croyant. Donc je pense même que la proportion de croyants au Parti communiste est peut-être plus importante encore que dans les années 60. C'est une hérésie chrétienne, je ne sais plus qui avait dit cela, mais... Oui, mais il y a eu des encycliques, vous savez, il y a eu des encycliques pour, contre, etc. Et d'ailleurs, toutes les encycliques... moi, j'ai un site, mon site avec mon nom, etc. Mais on a créé un autre site sur qui s'appelle La Faute à Diderot. Et sur La Faute à Diderot, j'avais mis des extraits de... Parce que je lis tout ce que produisent les papes, notamment un dernier entretien avec François, et j'avais mis des extraits de ce que disait Benoît XVI. Je me trompe pas, c'est bien Benoît XVI, hein. Et sans mettre la signature. Les gens applaudissaient. Quand j'ai dit que j'ai des Benoît XVI, je me suis fait insulter. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire parce que ces couches moyennes supérieures qui ont pris le pouvoir après 68 et qui ne lâchent pas, alors au service du grand capital, de mon point de vue, vraiment le grand capital, pratiquent l'entre-soi, mais sont dans un conformisme, mais alors étouffant. Étouffant. C'est alors je comprends. Oui, c'est un peu Céline. Moi, j'ai fait ma thèse sur Aragon. Je suis profondément anti-antisémite puisque j'avais écrit un livre que j'ai co-signé avec comment s'appelle-t-il, Didier Deninx à l'époque, au nom de la loi, en défense de la loi Guesso contre l'antisémitisme, etc. Comment dire, Céline disait la faculté est bien gardée. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que tes facultés sont bien gardées. Hein. Valère Starazeski, j'ai encore quelques questions à vous poser, parce que vous voudriez lire un texte pour conclure. Oui. J'ai une question à poser. Que devrait dire François à François Que devrait dire François à François? Le pape François à François Hollande. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Alors, je pense que François, le président de la République française, devrait écouter François. Voilà. Devrait l'écouter. Devrait surtout l'écouter. Parce que j'ai lu son interview dernièrement assez longue, que j'ai envoyé d'ailleurs à beaucoup de mes camarades, qui est devenu un livre. Quand il commence, alors d'abord j'aime bien le cinéma qu'il aime, puisqu'il parle de Fellini, etc. Mais quand il montre ce tableau, en disant voilà, nous sommes d'abord des pêcheurs, effectivement, vous savez, sur la culpabilité, oui, il faut pas. Il y avait un flic américain qui est devenu écrivain. Il a dit j'ai arrêté d'être flic le jour où je rentrais le soir, où je me sentais plus coupable après toutes les saloperies que je faisais. Oui, la culpabilité est quelque chose qui fonde aussi la dignité humaine. Je veux dire, donc, quand le pape désigne le fait qu'on soit des pécheurs, oui, demandons-nous où nous avons failli. Alors, Aragon. Aragon. Pour conclure. 1960, Aragon lit un texte à la jeunesse. C'est pour vos auditeurs. Je n'ai pas toujours été l'homme que je suis. J'ai toute ma vie appris pour devenir l'homme que je suis mais je n'ai pour autant pas oublié l'homme que j'ai été, ou à plus exactement les hommes que j'ai été. Et si entre ces hommes-là et moi, il y a contradiction, si je crois avoir appris, progressé, changeant, ces hommes-là, quand me retournant je les regarde, je n'ai point honte d'eux, ils sont les étapes de ce que je suis, ils menaient à moi, je ne peux dire moi sans eux. Je connais des gens qui sont nés avec la vérité dans leur berceau, qui ne se sont jamais trompés, qui n'ont pas avancé d'un pas de toute leur vie, puisqu'ils étaient arrivés quand ils avaient encore la morve au nez. Ils savent ce qui est bien, ils l'ont toujours su. Ils ont pour les autres la sévérité et le mépris que leur confère l'assurance triomphale d'avoir raison. Je ne leur ressemble pas, la vérité ne m'a pas été révélée à mon baptême, je ne la tiens ni de mon père, ni de la classe de ma famille. Ce que j'ai appris m'a coûté cher. Ce que je sais, je l'ai acquis à mes dépens. Je n'ai pas une seule certitude qui ne me soit venue autrement que par le doute, l'angoisse, la sueur, la douleur de l'expérience. Aussi ai-je le respect de ceux qui ne savent pas, de ceux qui cherchent, qui tâtonnent, qui se heurtent. Ceux à qui la vérité est facile, spontanée, bien entendu, j'ai pour eux une certaine admiration, mais je l'avoue, peu d'intérêt. Quand ils mourront, qu'on écrive donc sur leur tombe, il a toujours eu raison, c'est ce qu'il mérite, et rien de plus. Mmh. Louis Aragon. Aragon, Bernanos, même combat un peu. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est un petit peu le résumé, en quelque sorte, de notre discussion, Valère Sarazetsky. Mais bien sûr, d'ailleurs, j'ai une toute petite citation de Bernanos que j'avais mis en tête d'un de mes articles, je ne sais plus pour lequel, où il parlait de la Révolution. Et d'ailleurs, en fait, les grands cimetières sous la lune de Bernanos sont défendus par Aragon avant la guerre. Donc voilà, donc c'était plus nous serons à travailler, à chercher ensemble, on n'est pas de la même chapelle, mais on cherche le même port, me semble-t-il. Merci d'avoir cherché avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci Valère Sarazetsky. L'Adieu au roi, Paris, janvier 1794, c'est aux éditions du Cherche Midi, votre dernier roman. Et puis je cite également Un homme inutile, une période où vous écrivez justement sur le chômage et qui est tout à fait frappante. Et puis Une histoire française également aux éditions du Cherche Midi. À bientôt. À bientôt, merci.